Section 17, chapitre 32, 33 et 34. Chapitre 32. Deux mariages. La famille resta plongée dans une profonde douleur, mais jamais un murmure ne fut prononcé. Abel ne les quittait presque pas. Il tint la promesse qu'il avait faite à Suzanne. Il fut pour elle l'ami le plus dévoué, le frère le plus attentif. Les mois, les années se passèrent ainsi. La réputation d'Abel avait encore grandi. Ses derniers tableaux avaient fait fureur. Il avait reçu le titre de baron après l'exposition où il avait eu un si brillant succès. Il continuait sa vie simple et bienfaisante. Il avait restreint de plus en plus le cercle de ses relations intimes. Et de plus en plus, il donnait son temps à ses amis de Grignan. Suzanne était arrivée à l'âge où une jeune, jolie, riche et charmante héritière est demandée par tous ceux qui cherchent une fortune et un nom. Ces demandes étaient loyalement soumises à Suzanne, qui les refusait toutes sans examen. « Chère Suzanne, lui dit un jour Abel, votre mère me dit que vous avez refusé le duc de G. Vous voulez donc rester fille ? Ajouta-t-il en souriant. Suzanne, je n'épouserai jamais un homme que je ne connais pas, que je n'aime pas, et qui me demande pour la fortune que je dois avoir. Abel, mes chers enfants, vous connaissez le duc de G. Vous l'avez vu bien des fois. Suzanne, ce que j'en connais ne me convient pas. Il parle légèrement de tout ce qui me plaît, de tout ce que j'aime. Auriez-vous le courage de m'engager à épouser un homme sans religion ? Abel, vivement. Non, jamais, Suzanne. Je suis trop votre amie pour vous donner un si dangereux conseil. Suzanne. Alors, ne me proposez plus personne. Jusqu'à ce que... Abel. Achevez, Suzanne. Jusqu'à ce que... Suzanne, souriant. Jusqu'à ce que vous m'ayez trouvé un homme qui vous ressemble. Abel, après un instant de silence et très ému. Suzanne, je sais que vous pensez tout haut avec moi. Je connais votre franchise, votre sincérité. Dites-moi le fond de votre pensée. Que voulez-vous dire par là ? Suzanne, souriant. Si vous ne le comprenez pas, demandez-en l'explication à maman. Elle vous la donnera. La voici qui vient tout juste. Je me sauve. Et Suzanne disparut en courant. Madame de Grignan. « Eh bien, qu'y a-t-il donc, Abel ? Suzanne s'enfuit et vous êtes tout interdit. » Abel. « Il y a de quoi, chère madame, si vous saviez ce que vient de me dire Suzanne ?» Et Abel répéta mot pour mot sa conversation avec Suzanne. Madame de Grignan. « Elle a parfaitement raison, mon ami, et je dis comme elle. » Abel, vivement ému. « Madame, chère madame, comprenez-vous bien toute la portée de vos paroles ? Ne pourrais-je me figurer ? Que si j'osais, vous demandez, Suzanne, vous me la donneriez ? Madame de Grignan, certainement, vous pourriez le croire, je vous la donnerais, et avec un vrai bonheur, et Suzanne en serait aussi heureuse que nous le serions, mon mari et moi. Abel, serait-il possible ? Comment ce vœu que je renfermais dans le plus profond de mon cœur serait exaucé ? Suzanne serait ma femme, de votre consentement, du sien ? Madame de Grignan. « Oui, mon ami, vous seriez son mari et mon gendre, le vrai frère de mon cher petit Roger, » ajouta-t-elle en prenant les deux mains d'Abel dans les siennes. « Ce cher petit, il vous aimait tant. Sa dernière parole a été votre nom. » Madame de Grignan pleura dans les bras de ce fils qu'elle venait de se donner. Il lui baisa mille fois les mains en la remerciant du fond de son cœur. Abel. Ne puis-je voir Suzanne, chère madame ? Madame de Grignan, c'est trop juste, je vais vous l'envoyer. Deux minutes après, Suzanne rentrait, souriante, mais légèrement embarrassée. Suzanne, dit Abel en allant à elle et lui baisant les mains, Dieu me récompense bien richement du peu que j'ai fait pour son service. Suzanne, et moi, mon ami ? C'est à notre cher petit Roger que je dois ce bonheur, que j'ai si souvent demandé au bon Dieu, et que vous me refusiez toujours. Abel, moi, ah, Suzanne, comment n'avez-vous pas compris que je n'osais pas ? J'ai beau avoir été chamarré de décoration, avoir été fait baron, je ne croyais pas pouvoir prétendre à la jeune et charmante héritière demandée par les plus grands noms de France. Mon intimité avec vos parents, leur bonté pour moi, et jusqu'à la grande amitié et préférence que vous me témoignez en toutes occasions, m'interdisait toute tentative, par conséquent tout espoir. Mais si vous saviez combien j'ai souffert de ce silence forcé. » Suzanne, souriant. « À présent, mon ami, vous ne souffrirez plus que de m'avoir fait souffrir, moi aussi. À tout autre que vous, qui êtes mon confident intime, vous savez, je n'aurais jamais osé dire ce que je vous ai dit aujourd'hui, et pourtant je pensais bien que vous n'en seriez pas fâché. » À partir de ce jour, le mariage de Suzanne de Grignan avec M. le baron de N. fut le sujet de toutes les conversations. Il fut non seulement approuvé, mais extrêmement applaudi. La réputation et la célébrité d'Abel l'avaient mis au rang des grands partis, et plus d'une mère envia le bonheur de Madame de Grignan. 3 ans avant cet événement, Kersac revenait joyeusement à sa ferme de Sainte-Anne. Son premier soin fut de chercher Hélène, qu'il trouva dans la cuisine, occupée des soins du ménage. « Hélène, Hélène !» s'écria Kersac. « Me voici, et bien content d'être revenu !» Hélène. « Et Jean ?» Kersac. « Jean va très bien. Il viendra un peu plus tard. Je vous expliquerai ça. Et moi, je viens vous demander une chose. » Hélène. « Tout ce que vous voudrez, monsieur. Vous savez si j'ai la volonté de vous obéir en tout. » Kersac. « Oh, il ne s'agit pas d'obéir. Il s'agit de vouloir. » Hélène. « C'est pour moi la même chose. Je veux tout ce que vous voulez. » Kersac. « C'est-il bien vrai, ça ? Alors, sac à papier, j'ai peur. Parole, j'ai peur. » Hélène. « Qu'est-ce donc, mon Dieu ? Est-ce que, mon petit Jean ? » Kersac. « Il ne s'agit pas de petit Jean. Brave garçon, cet enfant, j'en suis fou. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vous. » Hélène. « Mais parlez donc, monsieur, vous me faites une peur. » Kersac. « Hélène, Hélène, vous ne devinez pas ?» Et comme Hélène le regardait avec de grands yeux étonnés, Kersac la saisit dans ses bras, manqua l'étouffer et dit enfin « Je veux que vous soyez ma femme !» Puis il la lâcha si subitement qu'elle alla tomber sur un banc qui se trouvait derrière elle. La surprise et la chute la rendirent immobile. Kersac crut l'avoir blessée sérieusement. « Animal que je suis » s'écria-t-il. « Hélène, ma pauvre Hélène, vous êtes blessée ? Souffrez-vous » Hélène. « Je ne suis pas blessée, monsieur. Je ne souffre pas. Mais je suis si étonnée que je ne comprends pas. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. » Kersac. « Parbleu, ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Vous êtes une brave, excellente femme, active, propre, au fait de l'ouvrage d'une ferme. Je suis garçon, je m'ennuie d'être garçon. Et je veux vous épouser. Parbleu, c'est pourtant bien simple et bien naturel. Et je vous dis, voulez-vous, oui ou non ? Si vous dites oui, vous me rendrez bien content. Vous me payerez de tout ce que vous prétendez me devoir. Si vous dites non, vous êtes une ingrate, un mauvais cœur. Vous me donnez du chagrin en récompense de tout ce que j'ai fait pour vous. Voyons, Hélène, répondez, au lieu de me regarder d'un air effaré, comme si je venais vous égorger. » Hélène. « Monsieur Kersac, est-il possible que vous ayez cette idée ?» Kersac. « Il ne s'agit pas de ça. Oui ou non ?» Hélène. « Oui, mille fois oui, monsieur. Pouvez-vous douter du bonheur avec lequel j'accepte ce nouveau bienfait ?» Kersac. « À la bonne heure, donc. Ce coquin de Simon m'a-t-il causé du tourment ?» Et, la serrant encore dans ses bras, avec une force qui fit crier grâce à Hélène, il courut annoncer à ses gens la nouvelle surprenante de son mariage. Kersac. « Eh bien, vous n'êtes pas surpris, vous autres ?»« Pour ça non, monsieur, » lui répondit-on en souriant. Chacun le désirait et l'espérait depuis longtemps. Hélène mérite bien le bonheur que lui envoie le bon Dieu. Vous ne pouviez mieux choisir, monsieur. » Une fois la chose convenue, annoncée, Kersac se hâta de la terminer. 15 jours après, il était marié. Et sauf qu'Hélène fut Madame Kersac, et que Kersac fut 10 fois plus heureux qu'auparavant, la ferme de Sainte-Anne continua à marcher comme par le passé. Un fait important qu'il ne faut pas oublier, c'est que le lendemain de l'arrivée de Kersac, Hélène vint le prévenir qu'un homme et un cheval venaient de lui arriver. Kersac. Un homme ? Un cheval ? Je ne comprends pas. Je n'ai rien acheté, moi. Il alla voir. À peine eut-il jeté un coup d'œil sur le cheval, qu'il poussa un cri de joie en reconnaissant la magnifique trotteuse d'Abel. Le palefrenier lui expliqua que c'était un cadeau de M. Abel de N. et lui présenta une lettre qu'il ouvrit avec empressement. Il lut ce qui suit. « Mon cher Kersak, vous avez raison. La vie de Paris ne convient pas à la bête que je vous envoie. Elle sera plus heureuse chez vous. Rendez-moi le service de l'accepter pour votre usage personnel. C'est à la campagne qu'elle déploiera tous ses moyens. Renvoyez-moi mon palefrenier le plus tôt possible. J'en ai besoin ici. Adieu. N'oubliez pas votre ami, Abel N. » Kersak. « Excellent homme, perle des hommes, cœur d'or, comme dit mon petit Jean. Quel bonheur d'avoir cette bête. Personne n'y touchera que moi. Entrez, monsieur le palefrenier, venez vous rafraîchir. » Kersak confia à Hélène le soin de bien faire boire et manger le palefrenier. Il mena lui-même sa belle jument à l'écurie, lui fit une litière excellente, la pansa, la bouchonna, lui donna de l'avoine, de la paille. Quand le palefrenier voulut partir, il lui glissa 40 francs dans la main. C'était beaucoup pour tous les deux. Ils se séparèrent avec force poignée de main. Cette jument fut une source de joie et de plaisir pour Kersak. Tous les jours, il faisait naître l'occasion de l'atteler à une voiture légère, et il la faisait trotter pendant une heure ou deux, ne se lassant jamais de la regarder fendre l'air et faire l'admiration de tous ceux qu'il rencontrait. Il emmena Hélène une fois, mais elle demanda grâce pour l'avenir, assurant que cette course si rapide lui faisait peur. Ils reçurent la visite de Jean peu de temps après la mort du petit Roger. Monsieur et Madame de Grignan étaient allés faire un voyage en Suisse, dans le nord de l'Italie, avec leur ami Abel, pour distraire Suzanne de son chagrin. Ils y réussirent en partie, mais Suzanne continua à parler sans cesse avec Monsieur Abel de son frère Roger. Et pour tous deux, ce souvenir avait un charme inexprimable. Ce fut pendant ce voyage, durant lequel ils n'emmenèrent que Barcus, que Jean obtint sans difficulté, par l'entremise de M. Abel, la permission de passer le temps de leur absence à Elvin. Chapitre 33. Troisième mariage. 3 ans après, quand Abel était déjà devenu tout à fait de la famille par son mariage avec Suzanne, Jean lui annonça que Kersak et Hélène étaient dans une grande affliction. Le propriétaire de la ferme que cultivait Kersak depuis plus de 20 ans venait de mourir. La terre était à vendre et on était en pourparlers avec quelqu'un qui voulait l'exploiter lui-même. « Ne t'afflige pas, mon ami, lui dit Abel. Cette vente n'est pas encore faite. Peut-être ne se fera-t-elle pas. » En effet, peu de jours après, Jean apprit par M. Abel que la ferme était vendue à quelqu'un qui faisait avec Kersak un bail, lequel devrait durer tant que vivrait le fermier. Jean fut si surpris de cet à-propos qu'Abel ne put s'empêcher de rire. « Monsieur, dit Jean, est-ce que monsieur le voleur et monsieur le peintre n'y seraient pas pour quelque chose ?» Abel, riant, « C'est possible. Je sais que monsieur le peintre cherchait une terre à acheter en Bretagne. » Jean, « Oh, monsieur, quel bonheur ! Votre bonté ne se lasse jamais !» C'était réellement monsieur Abel qui avait acheté la ferme de Sainte-Anne pour y bâtir un château et s'y créer une résidence d'été. Cette acquisition fit le bonheur de Kersak et d'Hélène, deux gens qui se trouvaient près de sa mère 7 ou 8 mois de l'année, et sans compter la famille qui habitait le château. Quand Marie eut 18 ans, Kersak, qu'il aimait tendrement et qui n'avait pas eu d'enfant de son mariage avec Hélène, accomplit son projet d'autrefois. Il annonça qu'il adopterait Marie. Il restait la seconde partie du projet, la marier à Jean. Ce dernier avait 27 ans. Il avait continué son service dans l'hôtel de Grignan, sauf un léger changement, c'est qu'il avait passé au service particulier de son bienfaiteur, de son maître bien-aimé, M. Abel. On pouvait, en parlant d'eux, dire avec vérité, tel maître, tel valet. L'un était le beau idéal du maître, l'autre le beau idéal du serviteur. Quand l'adoption de Marie fut annoncée, M. Abel, qui s'entendait avec Kersak pour faire réussir ce mariage, trouva un jour que Jean était devenu pensif et moins gai. Il lui en fit l'observation. « Jean, que voulez-vous, monsieur ? En avançant en âge, on devient plus sage et plus sérieux. » Monsieur Abel, souriant, « Mais mon ami, tu as 27 ans à peine. Ce n'est pas encore l'extrême vieillesse. » Jean, « Pas encore, monsieur, mais on y marche, tous les jours. Monsieur Abel, écoute, Jean, quand je me suis marié, j'avais 34 ans, et je n'étais pas triste, et je ne le suis pas encore, malgré que j'ai 41 ans. Jean, tristement. Je le sais bien, monsieur. Monsieur Abel, Jean, tu me caches quelque chose. Ce n'est pas bien. Toi qui n'avais pas de secret pour moi, voilà que tu en as un, et depuis plusieurs mois déjà. Jean, pardonnez-moi, monsieur, ce n'est pas un secret, c'est seulement une chose qui me rend triste, malgré moi. Monsieur Abel, qu'est-ce que c'est, Jean? Dis-le-moi. Que crains-tu? Tu connais mon amitié pour toi. Jean, oh oui, monsieur, et votre indulgence et votre bonté qui ne se sont jamais démenties. Voilà ce que c'est, monsieur. Je me sens pour Marie un attrait qui me ferait vraiment désirer de l'épouser. Il m'est impossible de me marier, parce qu'en me mariant ainsi, mon beau-père et ma mère voudraient nous garder près d'eux. Et si je vous quittais, monsieur, je me sentirais si malheureux, si ingrat, si égoïste, que je n'aurais pas une minute de repos et que j'en mourrais de chagrin. D'un autre côté, quand je quitte Marie, il me semble que c'est mon âme qui s'en va et que je reste seule dans le monde. Elle m'a dit que pour elle, c'était la même chose et qu'elle pleurait souvent en pensant à moi. Je lui ai dit ce qui m'arrêtait, elle l'a compris, et nous sommes convenus, elle de rester fille et moi de rester garçon. Je me console par la pensée de ne jamais quitter monsieur et de vivre bien heureux, pour monsieur et pour madame. Et en disant ces mots, la voix lui manqua. Il se tourna comme pour arranger quelque chose et disparut. Monsieur Abel resta triste et pensif. Heureux, pauvre garçon, c'est pour moi qu'il sacrifie son bonheur et celui de la femme qu'il aime. Je ne peux pas accepter ça. Il sera marié avant un mois d'ici. Monsieur Abel sonna, Baptiste entra. Baptiste, allez à la ferme et demandez à Kersac de venir me parler. Kersac s'empressa d'arriver. J'ai une affaire à traiter avec vous, Kersac. Je vous demande votre appui et je vous offre le mien. Ils s'enfermèrent pour traiter leur affaire sans être dérangés. Une demi-heure après, Kersac se retirait en se frottant les mains. Lorsque monsieur Abel revit Jean, il lui dit que Kersac le demandait pour lui communiquer une affaire importante. « Faut-il que j'y aille de suite, monsieur ?»« Mais oui, Kersac paraît pressé. » Jean s'empressa d'y aller, il le trouva seul. « Jean, dit Kersac en lui tendant la main, tu es un nigaud, et Marie est une sotte, et je vais vous mettre tous deux à la raison. » Kersac se leva, ouvrit une porte, et rentra traînant après lui Marie tout en larmes. « Tiens, dit-il en la lui montrant, tu vois, c'est toi qui es cause de cela. » Jean. « Marie, Marie, tu m'avais promis d'être raisonnable. » Marie. « J'essaye, Jean, je ne peux pas. » Kersac. « Vous êtes fous tous les deux, et voilà comment je vous rends la raison. » Il prit la main de Marie, la mit dans celle de Jean. « Je te la donne, dit-il à Jean. « Je te le donne, dit-il à Marie. « D'ici un mois, de gré ou de force, vous serez mariés. » Tu resteras près de monsieur Abel pendant les 8 mois qu'il passera ici. Quand il s'en ira, tu le suivras ou tu resteras, comme tu voudras. J'aurais bien voulu t'avoir à mon tour, mais monsieur Abel a tenu bon, sapristi. Il tient à toi comme le fer tient à l'aimant. Kersac ne leur donna pas le temps de répondre. Il sortit en refermant la porte sur lui. Quand il rentra, 1 heure après, il trouva Jean rendu à la raison. Marie lui avait démontré que son mariage ne nuisait en rien à son service près de son bienfaiteur, et même que M. Abel n'en serait que mieux servi. Il paraît que ses arguments avaient été bien persuasifs, car ils terminèrent la conférence que par une discussion sur le jour du mariage. Jean voulait attendre, Marie voulait presser. « Car, dit-elle, si je te laisse le temps de la réflexion, tu me laisseras là pour M. Abel, et je mourrai de chagrin. » Jean frémit devant cet assassinat prévu et prémédité, et il consentit au plus bref délai, qui était de 15 jours. C'est ainsi que le sort de Jean fut fixé. Monsieur Abel se montra fort satisfait de cet arrangement. Il en souffrit un peu, mais le moins possible. Jean lui promit de le suivre partout où il irait. « Je vous assure, monsieur, lui dit-il, que si vous m'obligiez à vous quitter, je serais réellement malheureux. Marie elle-même me serait à charge. Pensez donc, monsieur, 13 années passées avec vous et près de vous, sans vous avoir jamais quitté. Comment voulez-vous que je vive loin de vous ? Monsieur Abel. Merci, mon ami. J'accepte ton sacrifice comme tu as accepté celui que j'ai fait en te rendant ta liberté. Ta présence me sera d'autant plus agréable qu'elle sera tout à fait volontaire de ta part. Et je t'avoue que tu me manquerais plus que je ne puis te dire, et que je t'aime, non pas comme un maître, mais comme un père. Depuis bien des années, je te regarde comme mon enfant. Il me semble, comme à toi, que tu fais partie de mon existence, et que nous ne devons jamais nous quitter. Occupe-toi maintenant de hâter ton mariage. Tu comprends que tous les frais sont à ma charge, puisque c'est moi qui t'oblige à te marier. » Jean sourit et remercia du regard plus qu'en parole. La noce fut superbe. Il y eut 2 jours de repas, de danse et de réjouissance. Mais pas un instant, Jean n'oublia son service près de son cher maître. À son lever, à son coucher, le visage de Jean fut comme d'habitude le premier et le dernier qui frappa les regards de Monsieur Abel. Ils vivent tous heureux et unis. Quelques cheveux blancs se détachent sur la belle chevelure noire de Monsieur Abel. Il a 4 enfants. Suzanne et Abel les élèvent ensemble. Suzanne s'occupe particulièrement de ses filles. Abel dirige l'éducation des 2 garçons. L'un d'eux annonce un talent presque égal à celui de son père. Jean, marié depuis 6 ans, a déjà 3 enfants. Ils vivent à la ferme avec leur mère. Kersak et Hélène mènent la vie la plus calme et la plus heureuse. Kersak conserve sa vigueur et sa belle santé. Hélène paraît 10 ans de moins que son âge. Les enfants de Jean sont superbes. La fille est blonde et jolie comme la mère, les fils sont bruns comme le père. Ceux d'Abel et de Suzanne attirent tous les regards par leur grâce et leur beauté éclatante. Leur bonté, leur esprit et leur charme égalent leurs avantages physiques. Le fils aîné a 13 ans, le second en a 11, les filles ont 9 et 7 ans. Monsieur et madame de Grignan ne quittent pas leurs enfants. Jamais un mécontentement, un dissentiment ne viennent troubler l'harmonie qui règne dans la famille. Le petit Roger en est sans doute l'ange protecteur. La belle jument de Kersak vit encore et continue à exciter l'admiration de son maître. Elle a eu 14 poulains. Tous plus beaux et plus parfaits les uns que les autres, que Kersak aurait voulu garder tous. Mais il a dû en céder 8 à Monsieur Abel et à quelques-uns de ses amis qui les demandaient avec instance. Il ne voulait pas en recevoir le paiement, mais Monsieur Abel l'a forcé à accepter 3 000 francs pour chaque poulain qu'il lui enlevait. Chapitre 34. Et Jeannot. Et Jeannot. Hélas, pauvre Jeannot, il est loin de mener la vie douce et heureuse de Jean et de ses amis. Mes lecteurs se souviennent de sa dernière conversation au café avec Kersak et Jean. Il continua sa vie de fripon et de mauvais sujet. Un jour, il tomba malade à force de boissons et d'excès. Ses maîtres s'en débarrassèrent, comme font les maîtres insouciants, en l'envoyant à l'hôpital. Pendant sa maladie, M. Boissec dut faire ses affaires lui-même. Il découvrit ainsi les friponneries de Jeannot. Au lieu de s'en accuser en raison du mauvais exemple, des mauvais conseils qu'il lui avait donnés, il s'emporta contre lui, gémit sur les sommes considérables que Jeannot lui avait soustraites, et résolut de l'en punir sévèrement. À l'hôpital, Jeannot, comparant son abandon à la position si heureuse de Jean, fit quelques réflexions qui auraient porté de bons fruits si Jeannot avait eu plus de foi et de courage. Mais quand il sortit de l'hôpital et qu'il se traîna pâle et faible chez ses maîtres, Boissec le reçut avec des injures et des menaces. Jeannot. « Que me reprochez-vous donc, monsieur Boissec, que vous, vous n'ayez fait vous-même ? » Monsieur Boissec. « Moi et toi, ce n'est pas la même chose, coquin. J'étais le maître, tu étais mon subordonné, c'est moi qui t'avais formé. » Jeannot. « Et à quoi m'avez-vous formé, monsieur ? À voler mon maître, comme vous, à ne croire à rien, comme vous. À vivre pour le plaisir, comme vous. Que voulez-vous donc de moi? Si j'avais été honnête, je vous aurais dénoncé à monsieur le comte. Est-ce ça que vous regrettez? Est-ce ça que vous voulez? Prenez garde de me pousser à bout. Monsieur Boissec. Serpent, vipère, tu oses menacer ton bienfaiteur? Jeannot. Vous, mon bienfaiteur? Vous êtes mon corrupteur, mon mauvais génie, mon ennemi le plus cruel, le plus acharné. Monsieur Boissec. Attends, gredin, je vais te faire comprendre ce que je suis. « Auguste, Félix, par ici. Mettez à la porte ce drôle, ce voleur. Jetez-lui ses effets, et ne le laissez jamais remettre les pieds à l'autel. » Auguste et Félix n'eurent pas de peine à exécuter l'ordre de l'intendant, de l'homme de confiance de monsieur. Ils traînèrent Jeannot jusque dans la rue et lui jetèrent ses effets comme l'avait ordonné monsieur Boissec. Obligé de céder à la force, il ramassa ses effets épars et se trouva heureux de retrouver une bourse bien garnie dans la poche d'un de ses gilets. Il prit un fiacre et se logea dans un garni. En attendant une place qui n'arriva pas, il mangea tout son argent, vendit ses effets, se trouva sans ressources, se réunit à une bande de vagabonds, se fit arrêter et mettre en prison. Il en sortit plus corrompu qu'il n'y était entré, fut arrêté pour vol simple une première fois et condamné à 1 an de prison. Une seconde fois pour vol avec effraction et menace, il fut condamné à 10 ans de galère. Il est au bagne, maintenant. On parle de le transporter à Cayenne, à cause de son indocilité et de son humeur intraitable. Il est probable qu'il fera partie du prochain transport de galériens. Et Simon ? Simon vit heureux et content. Il est bon mari, bon père, bon fils et toujours bon chrétien. Son beau-père l'ennuie quelquefois pour des affaires de commerce. Il trouve Simon trop délicat, trop consciencieux. Simon assure qu'il n'est connaître et qu'il ne fera aucune affaire qui ne soit parfaitement loyale et honorable. Dans le magasin, les pratiques aiment mieux avoir affaire au gendre qu'au beau-père. Ce dernier, s'étant retiré du commerce, ayant cédé les affaires à ses enfants, voit avec surprise l'agrandissement du commerce de Simon. Il a déjà acquis une fortune suffisante pour vivre agréablement. Il va quelquefois à Sainte-Anne, où il trouve réunis tous ses anciens amis et son frère Jean, qu'il aime toujours tendrement. Au milieu de cette prospérité, il a eu 2 peines assez vives. D'abord, il n'a pas d'enfant. Ensuite, Aimé, mal conseillé par sa mère, menait une vie trop dissipée, faisait trop de dépenses de toilette, de vanité. Elle se révoltait contre Simon, le traitait de sévère, d'avare, d'exagéré. Enfin, il n'y avait pas d'accord parfait dans ce ménage. M. Abel, qu'il voyait quelquefois à Paris, lui conseillait la douceur, la patience et la fermeté. « Ne cède jamais pour ce qui est mal ou qui mène au mal, mon ami. Pour le reste, laisse faire le plus que tu pourras. Avec les années, Aimée deviendra raisonnable. Elle comprendra alors et approuvera ta conduite. Elle t'en aimera et t'en respectera davantage. » Simon attendait, soupirait, espérait. Enfin, le bon Dieu lui vint en aide. Aimé eut la petite vérole qui la défigura. Le monde et la toilette ne lui offrirent plus aucun attrait. Son âme s'embellit par suite du changement de son visage. Elle devint ce que Simon désirait qu'elle fût. Il l'aima laide, bien plus qu'il ne l'avait aimée jolie. Aimé, de son côté, comprit alors les qualités et les vertus de son mari. Et quand ils allaient passer quelques jours à la ferme de Sainte-Anne, elle s'entendait parfaitement avec tous les membres de l'excellente famille qu'il habitait. Simon serait donc parfaitement heureux s'il avait des enfants. Mais hélas, il n'en a pas encore, et il n'en aura sans doute jamais. Car la jolie Aimée a, calculez-vous-même son âge, je préfère ne pas vous le dire. Et le petit Jean, il avait 14 ans quand il vous est apparu pour la première fois. Et Abel, il avait 27 ans. Et Kersac, il en avait 35. Fin de la section 17. Fin de Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur. Enregistré par Christiane Jehan.